2:24, activation oral, dialogue between Mireille and Hubert. You will hear a conversation between Mireille and Hubert. Listen carefully and practice Hubert's lines. Listen. Tiens, Hubert, salut, comment ça va? Pas mal. Et toi? Ça va. Où es-tu comme ça? Je vais à la fac. Et toi? Oh, moi, je ne vais pas à la fac. Now repeat Hubert's lines. Tiens, Hubert, salut, comment ça va? Pas mal. Et toi? Ça va. Où es-tu comme ça? Je vais à la fac. Et toi? Oh, moi, je ne vais pas à la fac. Now answer Mireille. Tiens, Hubert, salut, comment ça va? Ça va. Je vais à la fac. Et toi? Thank you.